Book 2 59 59 59 في مكتب البريد à la poste à la poste أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Où est le bureau de poste le plus proche? Où est le bureau de poste le plus proche? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Quelle est la distance jusqu'au bureau de poste le plus proche? Quelle est la distance jusqu'au bureau de poste le plus proche? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Où est la boîte aux lettres la plus proche? Où est la boîte aux lettres la plus proche? أحتاج لبعض طوابع البريد. J'ai besoin de quelques timbres. J'ai besoin de quelques timbres. لأجل بطاقة ورسالة. Pour une carte postale et une lettre. Pour une carte postale et une lettre. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ À combien s'élève l'affranchissement pour l'Amérique? À combien s'élève l'affranchissement pour l'Amérique? كم وزن الطرد؟ Combien pèse ce paquet? Combien pèse ce paquet? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Est-ce que je peux l'envoyer par avion? Est-ce que je peux l'envoyer par avion? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Combien de temps faut-il compter jusqu'à ce qu'il arrive? Combien de temps faut-il compter jusqu'à ce qu'il arrive? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Où puis-je téléphoner? Où puis-je téléphoner? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Où est la cabine téléphonique la plus proche? Où est la cabine téléphonique la plus proche? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Avez-vous des télécartes? Avez-vous des télécartes? هل عندكم دليل تليفون؟ Avez-vous un annuaire téléphonique? Avez-vous un annuaire téléphonique? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Connaissez-vous l'indicatif pour l'Autriche? Connaissez-vous l'indicatif pour l'Autriche? لحظة، سأبحث عنه. Un instant, je vais voir. Un instant, je vais voir. الخط مشغول باستمرار. La ligne est toujours occupée. La ligne est toujours occupée. أي رقم الذي اتصلت به؟ Quel numéro avez-vous composé? Quel numéro avez-vous composé? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Vous devez d'abord composer le zéro. Vous devez d'abord composer le zéro.